suis pas capable de me faire pousser une moustache. Bah, ça pousse pas pareil partout. Ma moustache. Je peux pas me faire pousser une moustache comme mes amis. Ça pousse pas pareil partout. Ma moustache. Non, c'est pas grave, c'est bon.